Le pécheur est un ruined man. Un homme ruiné. A broken man. Un homme brisé. A shattered man. Un homme en pièces. A destroyed man. Un homme détruit. Something dies in you. Quelque chose meurt en toi. With each sin. Avec chaque péché. Sin is a killer. Le péché est un tueur. A killer of your conscience. Un tueur de ta conscience. A killer of your emotions. Un tueur de tes émotions. A killer of your communion with God. Un tueur de ta communion avec Dieu. A killer of your intuition. Un tueur de ton intuition. A killer of your will. Un tueur de ta volonté. A killer of your mind. Un tueur de ta pensée. A killer of your body. Un tueur de ton corps. A killer, a killer, un tueur, un tueur, un tueur. A killer, a killer, un tueur, un tueur, un tueur. God said, Dieu avait dit, when you eat of it, you will surely die. Le jour où vous en mangez, le jour où tu en manges, tu mourras certainement. When you eat of it, you will surely die. Le jour où tu en manges, tu mourras certainement. The devil said, le diable dit, you will not surely die. Tu ne mourras certainement pas. Both use the word surely. Tous les deux ont utilisé le mot certainement. We know the devil regardless of his words. Nous connaissons le diable, quelles que soient ses paroles. We don't even weigh the words. Nous n'avons pas besoin même de peser les paroles. We ask who is speaking. Nous demandons juste qui est en train de parler. When the devil says, I love you. Quand le diable dit, je t'aime. He doesn't say, ah, sweet words. Qu'est-ce que tu dis? Oh, quelle douce parole. Who is speaking? Qui est en train de parler? Many of you know the famous story. Ouais, beaucoup d'entre vous connaissez la fameuse histoire. That led City Stott to the mission field. Qui avait conduit City Stott au champ de mission. Cannibals want missionaries. Les cannibales veulent des missionnaires. He asked. Il a demandé. What for? Pourquoi? For food? Comme nourriture? Or for the gospel? Ou bien pour l'évangile? Cannibals want missionaries. Les cannibales veulent des missionnaires. Listen, you weigh people's words or you weigh people? Regarde, est-ce que tu pèses les paroles des gens ou bien tu pèses les gens? I don't want to weigh people's words. Je ne veux pas supposer les paroles des gens. I want to weigh people. Je veux supposer les personnes. Whatever a liar says. Quel que soit ce qu'un menteur dit. It's dangerous. C'est dangereux. Whatever a man of truth speaks, it's safe. Quel que soit ce qu'un homme de vérité dit, c'est on est en sécurité. You will not die. Ne mourrez pas. Who said it? Qui le dit? The devil. Le diable. Every word that the devil says. Toute parole que le diable dit. Is most questionable. C'est douteux. There are some brethren. Il y a certains frères. Who listen to demons? Qui écoutent des démons? They say demons speak. Et ils disent démons parlent. And when the demons are talking, they record. Et quand les démons commencent à parler, ils notent. They even have cassettes that are the recordings of the speech of demons. Et ils ont même des cassettes qui sont des enregistrements des discours de démons. I don't want such a cassette. Je ne veux pas une telle cassette. I don't want to sleep in a house with. Je ne veux même pas dormir dans une maison avec une telle cassette. Who is speaking? Qui est en train de parler? It's first the person. C'est premièrement la personne. And then his words. Puis sa parole. And since his words come out of his being. Et puisque sa parole sort de son être. His words and his being are one. Sa parole et son être sont un. Because the devil is a liar. Parce que le diable est un menteur. Tout ce qu'il dit. Must be held suspect. Ça doit être tenu pour suspect. All the devil says, tout ce que le diable dit. Cannot be better than him. Ça ne peut pas être mieux que sa personne. The Bible says, when the devil speaks, he speaks of himself. La Bible dit quand le diable parle, il parle de son propre fond. Because he's a liar. Parce qu'il est menteur. And the father of lies. Et il est le père des mensonges. And the father of liars. Et le père des menteurs. You will not surely die. Vous ne mourrez certainement pas. You will not surely die. Vous ne mourrez certainement pas. How many times has the devil said that? Combien de fois est-ce que le diable a dit ça? How many times has the devil said, go to that bed with that woman? Combien de fois est-ce que le diable dit, va coucher avec cette femme là? You will not have it. Tu n'auras pas le sida. You will not surely die. Vous ne mourrez certainement pas. How many times has the devil told us you will not be caught? Combien de fois est-ce que le diable t'a dit oh non, t'attrapera pas? How many times has the devil told your mother will not know? Combien de fois est-ce que le diable t'a dit ta mère ne connaîtra pas? Your father will not know. Ton père ne saura pas. How many times has the devil told you there will be no trace left? Combien de fois est-ce que le diable t'a dit mais il n'en restera aucune trace? But now you have permanent evidence. Mais maintenant tu as une évidence permanente. That the devil is a liar. Que le diable est un menteur. A warning. Un avertissement. Every sex act, tout acte sexuel outside marriage, en dehors du mariage is tragedy beyond telling. C'est une tragédie indicible. The pleasure is the pleasure of death. Le plaisir, mais le plaisir de la mort. The pleasure of every act outside marriage is the pleasure of death. Le plaisir de tout acte hors du mariage C'est le plaisir de la mort. Even if you don't die of it, même si tu ne meurs pas de sida, you are still dead. Tu es quand même tout de même mort. Sex outside marriage, le sexe en dehors du mariage, is death. C'est la mort. And the children produce, et les enfants produisent, bear a mark of death. Et portent une marque de la mort. Oh, it's as if for the harm that it does to progeny. C'est comme si le mal que cela fait à la progéniture. Everyone who commits immorality should be castrated. Toute personne qui commet l'immoralité devrait être castrée. The harm, le mal, to future generations, à la génération future, is beyond telling. C'est on ne peut le dire. A child born outside wedlock, un enfant né hors mariage, is the worst thing. C'est la pire des choses. The most wicked thing, la chose la plus méchante, that anyone can do to a child, que quelqu'un puisse faire à un enfant. I don't know anything that is more diabolic. Je ne connais pas une chose plus diabolique. Except the killing of the child. Si c'est en dehors de tuer l'enfant. You will live to... Tu vas vivre pour le regretter toute ta vie. I want us to stand. I want all of us to stand. Je veux que nous nous levions tous. And proclaim. Et que nous proclamions. An end to sexual immorality. La fin de l'immoralité sexuelle. In all forms. Sous toutes ses formes. I want us to proclaim. Veux que nous proclamions. That sex is for married people. Que le sexe est pour les mariés. And only in marriage. Et seulement dans le mariage. And that all else. Et que tout autre. It's an abomination beyond telling. C'est une abomination qu'on ne peut dire. A masterpiece of Satan. Un chef-d'œuvre de Satan. Let us pray together. Prions ensemble. Oh God, Father, we proclaim an end to sexual immorality in all its forms. Proclaim an end, an end. An end, an end, an end, an end, an end, an end, an end, an end, an end, an end. We proclaim. Nous proclamons the end. La fin. To sexual immorality. De l'immoralité sexuelle. For those who are in the kingdom of God. Pour ceux qui sont dans le royaume de Dieu. And the end. Et la fin. Of sexual immorality. De l'immoralité sexuelle. For those who are yet to come to the kingdom of God. Pour ceux là qui ne font pas encore partie du peuple de Dieu. Asseyez-vous. It's a sin against one's own body. C'est un péché contre son propre corps. It's the handing of the body to Satan. C'est livrer ton corps à Satan. And handing your progeny from that act to Satan. Et à partir de cet acte, remettre ta progéniture à Satan. I have not met a holy one. Je n'ai pas encore rencontré un saint. Who said he enjoyed his immorality? Qui a dit qu'il avait pris plaisir à son immoralité? Committed while he was lost. Commis pendant qu'il était perdu. All of them. Eux tous. Look at this as the saddest madness of their lives. Et riez, regarde à cela comme la plus grande folie de leur vie. All the holy ones, tous les saints, that I've had the privilege to talk with, avec qui j'ai eu le privilège de parler, have referred to the immorality of their lost life. On fait mention de l'immoralité de leur vie passée. As the greatest horror of their life, as the greatest madness, as the greatest insanity. Comme la plus grande horreur, la plus grande folie de leur vie. And they are ashamed of it. Et ils en ont honte. 50 years after someone committed immorality, he was too ashamed of it. 20 ans après que quelqu'un a commis l'immoralité et continue d'en avoir honte. The devil is a liar. The devil is a liar. Le diable est un menteur. You will not surely die. Vous ne mourrez certainement pas. Non. Non. Non. Non. Those are the liar's words. Non, ce sont là les paroles des menteurs. You die. Tu meurs. Look at those who practice the sex part before marriage. Toi, regardez ceux qui pratiquent le sexe avant le mariage. They tend to be dead in marriage. Et tendent à être morts dans le mariage. Incapable of satisfying their partners. Incapable de satisfaire leur partenaire. Because they died. Parce qu'ils sont morts. Something died. Quelque chose est mort en eux. They may be acrobats. Ils peuvent être des acrobates. In sex. Dans le sexe. But with no capacity to satisfy. Mais avec pas aucune capacité de satisfaire. You will surely die. Vous mourrez certainement. A woman told us. Une femme nous a dit. The husband was running after women. Son mari courait après les femmes. So he said she would revenge. Alors elle a dit qu'elle allait se venger. And she went to revenge. Et elle est allée pour se venger. And it is the deep sorrow of her life. Et c'est avec la plus profonde tristesse de sa vie. Deep sorrow. Profonde tristesse. Deep sorrow. Profonde misère. Deep sorrow. Profonde angoisse. She did not revenge the man. She did not revenge. Elle ne s'était pas vengée. Sin cannot, you cannot revenge sin. Tu ne peux pas te venger du péché. It was to make herself a total wreck. C'était pour faire d'elle-même une épave totale. Today, aujourd'hui, she neither has husband, elle n'a ni mari, nor anything, ni rien. You cannot sin to revenge. Nous ne pouvons pas pécher pour nous venger. It is ruin. C'est la ruine, la destruction. Only one person can revenge. Une seule personne peut and venger. God says, vengeance is mine. Et Dieu dit à moi la vengeance. I want to talk to the thief. Je vais parler au voleur. Thief. Voleur. Thief of money. Voleur d'argent. Thief of food. Voleur de nourriture. Thief of taxes. Thief of import duties. Voleur des impôts. Thief of marks. Voleur de points. Thief of marks. Voleur de points. The way of stealing. Le chemin du vol. Is the way of suicide. C'est la voie du suicide. You. Toi. Thief of mission warrants. Voleur des frais de mission. Yes. You have not left Yaoundé. Tu n'es pas sorti de Yaoundé. But you have earned mission allowances. Mais tu as touché des frais de mission. Those are hell allowances. Ça sont des allocations de l'enfer. Hell allowances. Des frais de l'enfer. You will lose 100 times. Tu vas perdre 100 fois. Your house will burn. Ta maison va être incendiée. Your car will burn. Ta voiture va brûler. Thieves will come in. Et les voleurs vont venir. And you may not escape with your life. Et tu pourrais ne pas t'échapper avec ta vie. Others are doing it. Les autres sont en train de le faire. But you will be punished then. Mais toi, tu seras sévèrement puni. You send people to go to places and take stamps. Tu envoies des gens pour aller dans des lieux pour chercher des cachets. With mission warrants. Avec des ils font faire cacheter tes autres missions. Stamps of hell. Des cachets de l'enfer. For curse allowances. Pour des frais maudits. For curse allowances. Pour des frais maudits. You may have your 5 million. Tu pourrais avoir tes 5 millions. Honestly earned. Honnêtement gagné. You add 250. Tu ajoutes 250. From a curse allowances. D'une allocation. False volée avec des faux documents. Your house will go. Ta maison va partir. Your property will go. Tes biens vont partir. You will lose 50 million. Et tu vas perdre 50 millions. You will die. Tu mourras. You will die. Tu mourras. You will surely die. Tu mourras certainement. Your sin will find you. Ton péché te suivra. Your sin will find you. Ton péché te suivra. Your sin will find you. Ton péché te suivra. Your sin will find you. Ton péché te suivra. And you see, your sin will find your wife. Et ton péché va te and découvrir. Your sin will find your children. Et ton péché va suivre tes enfants. And your sin will follow your grandchildren. Et ton péché va suivre tes petits enfants. Steve. Voleur. Steve. Voleur. You are running some work. Tu es en train de faire un travail. Où est tu gères un bureau? You spend 700,000. Tu dépenses 700,000. And you increase it to 1 million. Et tu gonfles la facture à 1 million. And put 300. Et tu mets 300. Those are the 300 that will hang you. Ce sont les 300 qui vont te pendre. And hang your wife. Et pendre ta vie. And hang your children. Et pendre ton enfant. Hang your economy. Et pendre ton and économie. Hang your peace. Et pendre ta paix. Armed robbers will come to you. Les brigands armés vont venir chez toi. Yeah, you know how to extrapolate. Tu sais comment extrapoler. How to touch. Comment toucher. And God is looking. Et Dieu est en train de regarder. And God is looking. Et Dieu regarde. And the cameras of heaven. Et les caméras du ciel. Are snapping. Sont en train de filmer. And the cameras of heaven. Et les caméras du ciel. And they are snapping. C'est en train de filmer. And God has caught you. Et Dieu t'a attrapé. And God has caught you. Et Dieu t'a attrapé. And God says. Et Dieu dit. You will surely die. Tu mourras certainement. Thieves. Voleur, voleur. Thieves. Voleur. Thieves. Tout voleur. Thieves. Vous voleur. Thieves. Vous voleur. Thieves. Voleur. Sophisticated thieves. Des voleurs sophistiqués. Lying thieves. Des voleurs menteurs. Wise thieves. Des voleurs sages. Cunning thieves. Des voleurs rusés. Yeah, you only did what others are doing. Oui, tu as seulement fait ce que les autres sont en train de faire. They will perish. Mais tu périras. They will perish. Ils périront. And so will you. Et toi aussi. Yeah, you are stealing. Tu es en train de voler. And you said the goat is where it's tied. Et tu dis oh mais la chèvre brute là où elle est attachée. Good. Bien. It will eat death. Elle va manger la mort. You are not a goat. Tu n'es pas une chèvre. The verdict of God. Le verdict de Dieu. Choose this day. Choisis aujourd'hui. Whether it is the voice of God. Si c'est la voix de Dieu. If you sin, si tu pèches, you will die. Tu mourras. Let us talk a bit. Parlons un peu. About where sinners will be. Où les pécheurs seront. All sinners. Tous les pécheurs. Will go to the lake of fire. Iront dans le lac de feu. The Bible says. La Bible dit. Revelation 21. Dans Apocalypse 21. Verse 7. He who overcomes will inherit all this. And I'll be his God, and he'll be my son. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic acts, the idolaters are all liars. Their part will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Or, tous les menteurs dans le lac de feu. Les gens me disent que mentir, c'est un petit péché. Okay, if all has been a lake of fire, si tous les menteurs seront dans le lac de feu, then all the other sinners, alors tous les autres péchés, all the other liars, tous les autres menteurs, will be in the lake of fire, seront dans le lac de feu. If the smallest sin, si le plus petit péché, qualifies for the lake of fire, te qualifie pour le lac de feu, then all the other sins, alors tous les autres péchés, will take you to the lake of fire, vont te conduire au lac de feu. There are people, il y a des gens, who have deceived themselves, qui se sont trompés, that there is no lake of fire, qu'il n'y a pas de lac de feu, there is a lake of fire, il y a un lac de feu. In 13 places in the scriptures. Dans 13 endroits dans les écritures. Jesus Christ. Jésus Christ. The judge in heaven. Le juge au ciel. Proclaim the lake of fire. Proclame le lac de feu. In 13 places. Dans 3 endroits. Jesus Christ. 13 endroits. He's the number one teacher on hell. C'est l'enseignant numéro 1 sur l'enfer. The one who taught on hell the most was Jesus Christ. Celui qui a le plus enseigné sur l'enfer, c'est Jésus Christ. All tous les pécheurs seront dans le lac de feu. Tous les fornicateurs dans le lac de feu. All the masturbators, tous ceux qui se masturbent, lac de feu. Seront dans le lac de feu. All thieves, tous les voleurs the lac de feu. Dans le lac de feu. All the proud, tous les orgueilleux the lac de feu. Dans le lac de feu. All mockers of God, tous ceux qui se moquent de Dieu the lac de feu. Seront dans le lac de feu. All pretend that they are saints, they are holy when they are not. Tous ceux qui prétendent qu'ils sont sauvés et qui sont saints alors qu'ils ne le sont pas. Ils seront dans le lac de feu. L'éduqué. L'éduqué. Le pécheur éduqué. Il sera dans le lac de feu. Religious sinners. Le pécheur religieux. Il sera dans le lac de feu. Primitive sinners. Le pécheur primitif. Il sera dans le lac de feu. Sinful fathers. Les pères pécheurs. Ils seront dans le lac de feu. Sinful mothers. Les mères pécheresses. Ils seront dans le lac de feu. Sinful children. Les enfants pécheurs. Dans le lac de feu. Les pécheurs de grande taille dans le lac de feu. Les pécheurs même dans le lac de feu. Les pécheurs avec le doctorat d'état seront dans le lac de feu. Les pécheurs avec la licence dans le lac de feu. Les pécheurs avec niveau de advanced level ou baccalauréat seront dans le lac de feu. Les pécheurs illettrés seront dans le lac de feu. Very handsome men. Les très beaux, les hommes très beaux. Pêcheurs dans le lac de feu. Very ugly men. Les hommes très laids. Devine le lac de feu. Dans le lac de feu. Tout pêcheur. Devine le lac de feu. Dans le lac de feu. Tout pêcheur. Devine le lac de feu. Tout pêcheur. Dans le lac de feu. I want to say. Tu veux dire? Even hell is an act of love. Même l'enfer, c'est un acte d'amour. Why? Pourquoi? Those demons wanted a hiding place. Ces démons-là voulaient un lieu de cachette. They wanted a place to stay. Ils voulaient un lieu où s'abriter. They wanted to stay in the pigs. Ils voulaient demeurer dans les cochons, dans les pourceaux. God has created hell. Dieu a créé l'enfer for those who hate him, pour ceux qui le haïssent, to provide them a home, pour leur donner une habitation where they will burn, où ils vont brûler. Hell, l'enfer is a home, c'est la demeure of sinners, des pécheurs, specially made, spécialement fait for their enjoyment, pour leur plaisir, pour leur jouissance. Having mocked God all their life, sans moquer de Dieu toute leur vie, they are given freedom to continue in that way. Et il leur est donné la liberté pour continuer dans cette voie. There's a passage in the Bible. Il y a un passage dans la Bible. The Bible says, la Bible dit, Revelation 22:11. Apocalypse 22:11. Then who does wrong continue to do wrong. Que celui qui est injuste continue encore, soit encore injuste. Then who is vile continue to be vile. Que celui qui est souillé se souille encore. Then who does right continue to do right. Que celui qui est juste pratique encore la justice. And then who is holy continue to be holy. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Finally, en définitive, God confirms you for what you want. Dieu te confirme dans ce que tu veux. And what you want, and what you are. Et dans ce que tu es. You are saying that. Nous sommes en train de dire que. There comes a time. Qu'il y a un temps arrive. When God confirms you. Où Dieu te confirme. For what you have chosen. Dans ce que tu as choisi. And to be what you have chosen. Et pour être ce que tu as choisi. It will trouble you no more. Et ne te dérangera plus. A man committing morality. Un homme commet l'immoralité. I have it. Et il a le sida. And says I will give it to a maximum number of people. Et il dit je vais le donner au nombre maximum de gens. So he goes looking for every opportunity. Alors il s'en va chercher chaque occasion to commit morality. Pour commettre l'immoralité. Until he dies. Jusqu'à ce qu'il meure. Committing morality. En commettant l'immoralité. Listen. Écoute. I'm reading a book. Je suis en train de lire un livre. Somebody that God took to hell. Quelqu'un que Dieu avait amené en enfer. And allowed him to see hell. Et lui a laissé et il a laissé voir l'enfer. In 1971, en 1971, I too was taken to hell. Moi aussi j'avais été amené en enfer. I saw the agony of those in hell. Et j'ai vu l'agonie de ceux-là qui sont en enfer. Oh, listen. Regarde. You know nothing about suffering. Tu ne sais rien de la souffrance. You know nothing about agony. Tu ne connais rien de l'agonie. If a man can spend a billion, si un homme peut dépenser un milliard to save one person from hell, pour sauver une personne de l'enfer, it's not too much. Ce n'est pas trop. The sinner will go there. Le pécheur ira là-bas. Because of his sin. À cause de son péché. Because he chose Satan. Parce qu'il avait choisi Satan. Instead of God. Au lieu de Dieu. Because he chose the voice of Satan. Parce qu'il avait choisi la voix and de Satan. The voice of Satan. Et il a obéi à la voix de Satan. The voice of God. Et il avait haï la voix de Dieu. God said, Dieu avait dit, do not eat of this. Non, mange pas. The devil says, le diable dit, eat of this. Mange. Don't you hear the voice of God? N'entends-tu pas la voix de Satan? Say, quietly, don't. Il dit, ne fais pas. Don't. Ne le fais pas. Another voice. Une autre voix. Something. Do. Qui crie, dit, vas-y. The voice of God says, la voix de Dieu dit, don't take that same money. Ne prends pas cet argent de mission. Don't plan falsely to me. Ne planifie pas de précision. The voice of God says, no. La voix de Dieu dit, no. Another voice says, but that's a dream. Mais une autre voix dit, ah, mais les autres le font. The devil's voice is loud. La voix du diable sonne fort. God's voice comes in a whisper. La voix de Dieu vient dans un murmure. God's voice comes in a whisper. La voix de Dieu chuchote. God says no. Dieu dit non. Quiet. Dans un chuchotement. God's voice says no. La voix de Dieu dit non. The voice of the devil. La voix du diable. Taking laying hold on human logic. C'est saisissant de la logique de l'homme. Gives you 100,000 reasons. Te donne 1,000 raisons. Why you should do it. Pourquoi tu devrais le faire? And then you allow the voice of logic. Et puis tu laisses la voix de la logique. To drown the voice of God. Noyer la voix de Dieu. I am talking to people. Je suis en train de parler à des gens. There are people. Il y a des gens. Mission money. L'argent de les frais de mission. They have sold their hearts to evil. Ils ont vendu leur cœur au mal. They have sold their hearts to money. Ils ont vendu leur cœur à l'argent. Mission money. L'argent de mission. Mission money. L'argent de mission. And listen. Hey, regarde. This is a moral universe. Ceci est un univers moral. The laws of retribution are written in God's universe. Les lois de la rétribution sont écrites dans l'univers de Dieu. You cannot cheat. Tu ne peux pas tricher. You or your son or your grandson will pay for it. Toi ou ton fils ou ton petit-fils paieront pour cela. Stolen money. L'argent volé. Stolen money. L'argent volé. Stolen money. L'argent volé. Stolen money. L'argent volé. There are people here. Il y a des gens ici. Who have stolen millions. Qui ont volé des millions. There are people here. Il y a des gens ici. Who have stolen millions. Qui ont volé des millions. There are people here. Il y a des millions sur leur conscience. God has caught them. Dieu les a arrêtés. God caught them. Dieu les a attrapés. There are millions on their conscience. Il y a des millions sur leur conscience. There are millions on their conscience. Il y a des millions sur leur conscience. Please, if you are a thief of money. S'il te plaît, si tu es un voleur d'argent. If you are one of those people to whom the Holy Spirit is talking. Si tu es l'un de ceux à qui le Saint-Esprit est en train de parler. Come on, this is the day. C'est ici le jour. That God has chosen. Que Dieu a choisi. First of all, to expose you. Tout d'abord pour t'exposer. To bring you to repentance. Pour t'amener à la repentance. To bring you to paying back the money. Pour t'amener à rembourser cet argent. And then to bring you to the salvation of God. Et puis pour t'amener au salut de Dieu. All thieves. Tous les voleurs. Of money. D'argent. You sit down and ask, how can I get money? Tu t'assois et tu te demandes comment est-ce que je peux avoir l'argent. You create a mission. Tu crées une mission. You are a curse. Tu es une malédiction. Yeah, you give reason to a mission. Give reason for the mission. Et tu donnes des raisons pour la mission. Tu donnes une raison, l'autre raison. The judgment of God must come upon you. Non, le jugement de Dieu doit venir sur toi. Saying God has caught me. Disant Dieu m'a attrapé. If you want to own up. Si tu veux le reconnaître. I am a thief. Je suis un voleur. It will not do good to your reputation before man. Ça ne fera pas du bien à ta réputation devant l'homme. But it will do good to your soul eternally. Mais ça fera, mais cela fera du bien, un bien éternel à ton âme. I'm a thief. Je suis un voleur.